émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Marine Monster. Ouais, Planète Rap avec Fred, sauf ce soir, pour la première fois. Alors Marine Monster, ils sont là, Bédic, Yanso, yeah. Les gars. Yeah, c'est une première. Et on va même se connecter avec Fred, parce que là vous dites que se passe-t-il, comment ça se fait que c'est encore Emery, qu'est-ce que le 16 ans se poursuit. Non, Fredo est en ligne avec nous. Fredo, où es-tu? Oui, Fredo, hello, tu nous as lâché. Hello, Marine Monster, que je salue. Hello, ben je suppose que tu dormais, hein. Non, j'avais envie de vous faire un petit point de circulation, comme c'est vendredi, c'est le week-end, retour de vacances, départ de week-end. Ouais, il y a du monde sur les routes. Point de circulation. T'en profites, hein. Commencer l'émission en direct de la mototaxi qui est en train de m'accompagner. Je peux te faire le Donc, okay. Donc Fred, si vous n'avez pas entendu, il est sur la mototaxi et il arrive dans quelques petites minutes, voilà. En gros. C'est ça, Fredo? Il est pas prêt d'arriver. Bah une fois, pour une fois, c'est lui qui est concrètement à côté de la radio. Bon, vous avez le droit de le charrier ce soir, Fred, même quand il va arriver. Ah bah là, vous pouvez y aller. Je pensais à Youtube Pack et à chaque fois, quand il arrive au Planète Rap en retard, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant je vais me taire, c'est fini. Ouais. Et ben voilà, t'auras eu ton premier Planète Rap à la bourre, Fred. C'est mon premier Planète Rap, il en fallait bien, donc je vais faire un vœu immédiatement. Bon, et on peut faire un petit truc aussi, tout Fred. Tout le monde va bien? Bah, tout le monde va bien, tout le monde est là. Il y a Aria le boss aussi qui est là. Voilà, Bédic et Hanslo sont en forme pour le dernier Planète Rap de la semaine. Et on peut faire un petit jeu, Fred. Tu veux offrir un cadeau si on arrive à pronostiquer l'heure précise où tu arrives? Ça peut être pas mal, ça, non? D'accord, alors juste un petit indice, parce que j'ai dit Gare de l'Est. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens et qui ne connaissent pas, Gare de l'Est de la radio est au centre de Paris. Gare de l'Est, c'est grosso modo, je suis en moto en plus, allez, 7-10 minutes. Donc il est 19h57. Voilà, 7 et 10 minutes. Et bah dis donc. Si vous pronostiquez bien l'arrivée de Fred à l'heure précise où il arrive dans Planète Rap pour vous offrir un petit cadeau. Enfin, Fred vous offrira un petit cadeau de sa poche. Non, non, c'est Aria qui va offrir un tour en chaîne. Ah, c'est Aria. Aria, qu'est-ce que tu peux offrir si on arrive à bien pronostiquer l'heure d'arrivée de Fred là? Un tour en Panamera. Un tour de plus en Panamera. Bon, bah ça marche. Bon, on va changer en classe S. Bon, bah on va t'attendre en tout cas, Fred. À tout de suite sur les mototaxis. Bon, t'as pas mal de trucs à faire. De toute façon, Emery, je te laisse avec eux. Mais il y a le replay de la semaine. Ah oui, c'est clair. Il y a le porto à passer. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Et moi, j'arrive, je débarque. Eh bah, on t'attend, Fred. Hein. Et puis, il y a les images aussi. Vous allez pouvoir suivre l'arrivée de Fredo en direct sur le skyrock.fm. Sur l'application également, vous pouvez mater l'émission. Bon, en tout cas, c'est le dernier Planète Rap de la semaine. Le projet malheureusement, malheureusement. Mais bon, la semaine s'est bien passée. Ouais, bien sûr. Très bien passé, ouais. C'est c'était très cool. Comment vous sentez là, puisque le projet sort lundi, donc là c'est imminent. Impatient, excité. Impatient, excité. Exactement. Excité, ouais. Ouais, j'imagine. À l'idée de savoir ce qu'on vaut vraiment en vrai, de vrai. Bon, bah c'est dans 3 jours maintenant. 3 jours. Yes. Voilà. Hanslo, faut que tu rappelles le jeu concours, bien sûr. Exactement, on va rappeler le jeu concours. Dis-nous tout. Qui est fini aujourd'hui, malheureusement. Ah ouais, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Non, non, bah, finalement, on attend jusqu'au ce soir parce qu'on a tellement de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes et du coup, ça va se poursuivre. On va pas pouvoir annoncer ce soir, on a tellement de demandes à traiter. Ouais. Alors, on va laisser ça jusqu'à ce soir, 19h. Ouais. Ce week-end, on aura avec l'équipe, on va ce soir, 19h. L'huissier de Monstre Marin. Ah, il y a un huissier. Il y a un huissier de Monstre Marin. Il est où, l'huissier de Monstre Marin? Il est au bureau. Il est au bureau. Et lundi, on va l'annoncer sur les réseaux sociaux. Lundi, ouais. Donc lundi, il faudra bien être connecté. Exactement. En tout cas, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il y a eu du live, il y a eu des invités. On va se faire le replay de la semaine, tout ce qui a déchiré avec vous cette semaine. Et c'est maintenant dans Planète Rap avec les Marine Monster. Le hashtag fonctionne Marine Monster sur Skyrock. On se fait le replay dès maintenant. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, bienvenue à un nouveau Planète Rap avec messieurs Bedjik et Hanslo du Nine. Bonsoir à tous. Les Marine Monsters, comment ça va messieurs? Ça va bien et toi? Et ben voilà, premier Planète Rap avec vous. Planète Rap. Je n'ai pas changé depuis, je vais vous raconter ma life. 3, 2, 1, go. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai plus le time. De me poser ou la jambe baillée, je vais vous raconter ma life. Je vise le réseau, vise invite des gens, le vice et vice, la vas-y, démontons le vaisseau. C'est le changement de rêve, plus de monde à mort, faut suivre dans la fusée, improvisière, cheveux frisés, fuck les beaters, physio, physique, easy, usine, cousine, musique, misère. Nous sommes toujours pistes, arrivés, on s'en est plus jamais arrivés. C'est ma du balai, nous avons everybody. J'allume, la mer, j'allume, la mer, j'allume, la mer. Tous les gars qui encaissent. On me disait que fais-tu là et que maintenant je manque de rien. J'habite même dans une villa que j'aurais pris la grosse tête depuis que je suis dans subliminal. J'entends même tous les jours à ce que t'as serré Bella. J'encaisse, c'est vrai que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis Planet Rock. Planet Rock. 9-3-7-5, Ray, c'est pas Dallas. Mon trottoir, c'est à un gros palace. Les petits rêves du million dollars. Wow, wow. 9-3-7-5, Ray, c'est pas Dallas. Mon trottoir, c'est à un gros palace. Les petits rêves du million dollars. Wow. Planet Rock. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la vie n'est qu'une loterie, pour le reste on verra. Je veux pas finir à Guantanamera. Oh oui, mon gars, je vous l'avouer. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller avant le dernier grain de sable. Planet Rap on Skyrock. J'ai une petite surprise pour vous. Ouais. Oh. Le boss, le big boss. Le big boss. C'est Maître Gims avec nous. Gims, comment va? Ouais, ça va. Je suis super content de ce qu'ils ont fait. Ils passent en radio, j'étais super content. J'ai même eu Laurent Bounot directement pour le remercier et tout du soutien qu'il apporte à ces deux-là. Parce que voilà, ils ont tout à faire maintenant. Ils sont sur le ring et c'est à eux de boxer. Exclu. Exclu total, on va Snoop. Balancer un morceau. Lion. Snoop et Marine Monster. Fetch à mon veille. Glisse mes Marine Monster. Planet Rap. Mes refrains rap. Il m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idéal. Planet Rap. Ça va se terminer. C'est comment ça va se terminer. C'est comment ça va se terminer. C'est comment ça va se terminer. Reste bien, yeah. C'est comment ça va se terminer. Faut que les rageux, je suis pas pistonné. 9 mm, pistolet. Tu veux test le 9, gros, c'est pas gagné. Des bastos, j'en ai plein dans mon chargeur. Y'a les keufs courts si t'es chargé. Monte dans l'ombre, boy, c'est le secteur. Pour une meuf, pas près de changer. Donc nous avons une petite surprise par téléphone. Ouais, l'équipe, les monsters. Donc, ça va, Black M? Ouais, bah ça se passe super bien. Ouais, j'ai l'impression. Eh non, on a qu'un truc à dire, gros. J'allume. Bang, bang, bang, bang, bang. J'arrive dans le game pour les canets. Dis-moi qui va séparer. Geek ta calache. Celui qui va rivaliser les panés. L'avenir avance à grands pas tandis que la jeunesse s'éloigne. T'as entendu parler du DY en effet c'est WAM. J'annonce moi à Paris pour donner joie mais aussi verser ses larmes. Je fais mon job, je joue mon rôle. Mais pour accéder au succès je trafiquerai pas mon scénar. Just a baby. Just a child from Babylon. Marine Monster. Mon son se propage comme le DAS. DAS. Mon son se propage comme le DAS. Mon son se propage comme le DAS. Tireur, ils veulent nous rattraper. Ils sont le DAS. 9-3. DAS, allez les frérots. 9-DAS. Allez. Skyrock. Merci Henrik. De rien Fredo. Donc t'es arrivé à 20h03 hein. 20h03 c'est ça. Voilà. Donc il y a un jet de Panamera, un jet privé offert par l'Aria. On va changer classe S. Un tour, oui, un tour de classe S normal pour le jeu concours. Il faut garder la Panamera. Merci Henrik, cool. Efficace la mototaxi hein. Ah trop fort. 20h03, bravo à celui qui a bien pronostiqué Oussel, on va le dire dans un instant. Emeric, on te retrouve ce week-end un petit peu? Ouais, demain matin, dédicace, on sera là. Demain matin. Merci à toi Emeric. Allez, merci, bravo Emeric, bravo. Bravo Emeric qui était là. Comment ça va les Marine Monster? On a écouté le replay, moi j'ai écouté sur la moto. Ouais, j'ai écouté. Je kiffe écouter Planet Rap. Je sais pas. T'as vu, c'est un délire. Hein. Je kiffe, j'étais là, j'étais sur la moto, j'écoutais Planet Rap. Je t'ai dit, c'est un délire. J'avais jamais écouté mon émission à 20h. Je parfait. Kiffe. Tu kiffes? Ah ouais, grave, j'écoutais tout ce qui s'est passé cette semaine avec vous, les Marine Monsters. C'est ça. Et donc ce soir, on l'a dit, c'est un moment important. L'un ou l'une d'entre vous va repartir en Panamera, habillé de la tête aux pieds. Je sais pas si t'as entendu, il y a un petit compromis. Il y a un petit contretemps. On repousse. Il y a eu tellement de demandes, oui, j'ai entendu. Ouais. Demandes, mais je pensais essayer de négocier un petit peu, mais non. Non, parce qu'en fait, on n'a pas fait le tirage aussi. Il y a tellement de demandes qu'on va se laisser le week-end pour le faire. Le week-end, vous avez. Et on va l'annoncer lundi sur les réseaux. Donc vous avez encore tout le week-end, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on a promis de lâcher l'exclusivité d'où on allait tourner le clip J'allume. Il a promis. Il nous le doit. À quelle heure? Juste avant il y a le freestyle. Très bien, ce sera avant le freestyle. Passez une bonne soirée, bienvenue. Les Marine Monsters sont là, ça sort lundi. On est content de les avoir encore ce soir. Que va-t-il se passer ce soir? On avait dit, c'est la soirée de Yann Slow. Après celle. Exactement, c'est ça. Belgique, on t'a perdu hier. Ouais, non, mais hier, t'as pas vu, laisse tomber. Hier, j'ai fait un tour dans le coffre. Laisse tomber. T'as disparu, donc ce soir, Yann Slow, c'est ta soirée. C'est ma soirée ce soir. Bré. Que va-t-il se passer ce soir? Je voulais juste dire un petit truc. Je voulais juste dire un petit truc, c'est que le clip Panamera, il est sorti aujourd'hui. Exactement, à 18h. Le clip Panamera est sorti aujourd'hui à 18h. Ok, donc voilà. À pas louper le clip Panamera. À pas louper. Et dites-nous d'ailleurs avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock, vous envoyez toutes vos réactions. Je disais, oui, soirée, qu'est-ce qui se passe, Yann Slow, ce soir? Alors ce soir, on va découvrir du live, bien sûr, mais on va découvrir surtout mon solo de l'album. Ouais. NSLO, un gros, gros son. Et voilà, donc on va maintenant commencer avec. Avec pour commencer. Allez, pour commencer, c'est le Planet Rap des Marine Monsters sur Skyrock, on y va. C'est le dernier jour aujourd'hui. Là. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe baillit, et à l'heure où je te parle. Le 3 novembre dans les bacs. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Mon gars Melvin, aka Pote Van Niggas. Plus le time de me poser où la jambe baillit, et à l'heure où je te parle. Je suis prêt dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. 7-5-9ème zone city. On va commencer par faire du sale. Est-ce que t'as déjà vu des gens prendre la farine-cane? Et les filles, les flics, les fanatiques de farine-cane. La 29ème danse et 9, on arrive en banane. Ça va fixer ma bouche dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est all time, vas-y taille frère. 9ème zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. Viens la team, c'est la street, là où y'a pas de grand-père. Ça où ça casse la coque et des flingues dans des packs qu'on perd. C'est un hold-up, oui, vous êtes fort depuis. Entre Marin Corporation et Black Panther. Elle est aussi stable, que des cas aussi stables. T'es mort dans le film comme un déclin entouré de ses stars. Plus le temps faut qu'on se casse, trop vif, tu constates. Gang slow, make you wanna know, bala qu'on se tape. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle. Voilà, Enferno Havre, je vais la ma life en commençant par faire du sol. Le frérot Badrice. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe baillit. Chouette, mouche, mon rouge, les gars. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Mon rouge, Boutrou. En commençant par faire du sol. La, la, la, la. Ça va comme ça? What I know, young slow du nananana. Bien. On va commencer par faire du sale. Yo miss, I'm sorry. Si ton cœur je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique. Mais jamais sautille, je vous rivalise. Vous débattez, c'était du nord. Quoi donc me dit, gère le bitch. Mon gars, Woods, Packer. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement clair. Aucune. Voilà, on pousse. Laisse-nous faire ce morceau, c'est juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je vais pas vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'ai pas le genre de mec posé au bar. J'ai pas besoin de voir la barre. On t'a dit que l'inspire, viens de me dar. Parce qu'elle vortex net, je veux bar. Make you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. De me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. Je vais poser la jambe baillie. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Make you wanna know young slow du nananana. Je vais commencer par faire du sol. La la la la. Make you wanna know young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. On t'avait dit. On va commencer par faire du sale. T'avais négligé, hein, bata. On va commencer par Sonia, faire Sonia, du Sonia. Sale. Sonia. Chacal. Make you wanna know the line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. Lundi 3 novembre, dans les bacs. Et à l'heure où où je te parle. L'album s'appelle Marine Monster. Dans un autre pays. Le groupe s'appelle Marine Monster. Et en commençant par faire du sol. Mais tu prends le monde dans les bains. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. La séance dédicace. Le mercredi. À partir de 15h, soyez là. Je vous raconter ma life. En commençant par faire du sol. Pour commencer, c'est le morceau qu'on trouve aussi sur l'album de Marine Monster qui sort lundi. À pas louper, les Marine Monster sont là encore pendant allez, quelques minutes. Il y aura du... Est-ce qu'il y a du live de prévu ce soir, Yanso? Il y a du live de prévu ce soir. Il devait y avoir beaucoup d'artistes. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous faire le plaisir d'être là ce soir. Mais on a quand même 2-3 personnes qui sont là et qui vont nous faire un beau show, j'espère. Eh bien, ce sera tout à l'heure en fin d'émission, entre 20h et 21h. Petite flopée de questions qui nous ont été envoyées via les réseaux sociaux avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Tiens, Romain de Drancy qui pose la question. Peut-être à Belgique. Pour les Marine Monster en tout cas. Quelque chose de prévu pour Halloween. Il habite où à Drancy déjà? Il n'y a pas marqué. Romain de Drancy. Romain de Drancy. Alors quelque chose de prévu pour Halloween ou pas? Quelque chose de prévu. Parce pour c'est Halloween. Vrai que Marine Monster, quand on s'appelle ouais. Marine Monster. Mais oui, quelque chose de prévu pour Halloween. Normalement, on doit faire trembler les bonbons. Non, il n'y a rien de prévu. Il hein. A pas une petite. Oh, il y a assez de cadeaux comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien de prévu. Je ne sais pas s'il cherche quoi, une petite soirée peut-être. Une petite soirée pour Romain de Drancy? Non. Un gros live sur le planète rap. Un gros live, voilà. Un gros live qui fera peur tout à l'heure, ce sera avant 21h. Fatou de Nice qui vous demande est-ce qu'il y a d'autres passions que la musique pour vous, les gars? Ouais, moi le dessin. J'aime bien. Je dessine bien. Tu dessines quoi, par exemple? Je dessine, tu vois, je fais des dessins, mais après j'ai. Non, mais est-ce que t'as une spécialité justement dans le dessin? Genre que... délire manga, un peu délire. Manga? À l'époque, je devais faire une étude de dessin. Mais bon, après, la vie a fait que je me lance vraiment à fond dans le rap en fait. Yanslo, une autre passion que le rap, que la musique pour toi? Le foot. J'ai raté une vraie carrière de footballeur. Ah oui, vraiment? Je me suis fait les ligaments croisés. Oh merde. Et t'étais parti vers où là? Tu jouais dans quel club? C'était un club de quartier, mais. Mais il y avait déjà des recruteurs qui étaient un peu sur toi. Exactement, voilà. J'avais un gros talent. J'étais le prochain CR7 pour tout vous dire. En toute humilité. En toute humilité. Amélie de Colmar, Belgique, combien de temps tu mets pour faire ta coupe de cheveux tous les matins? Ça, c'est une question pratique, en effet. Non, mais la coupe de cheveux, c'est quelque chose. Tu vois quand on me voit avec une casquette, ça veut dire que j'avais la flemme. Ouais. Ça veut tout dire. Quand il y a une casquette, ça veut dire que ne soulevez pas la casquette. Le matin, j'avais la flemme. J'ai dit laisse tomber. Par contre, ce soir, on ne te voit pas. Alors, pour ceux qui nous regardent pas. Pour ceux qui nous regardent, tu vois, il y a la coupe. Pour ceux qui nous regardent, ils ont vu, mais ceux qui nous regardent pas, la coupe est là. Classe. Voilà le style, tu vois ce que je veux dire. Il y a les lunettes Versace. Mais à la limite les lunettes, Amélie s'en fout, vous voulez savoir combien de temps en fait? C'est... Combien de temps? 10 minutes pile. Oh le menteur. Ah Yanso. Oh le menteur. C'est oh. La soirée dossier en balance. Oh vas-y. Mais n'importe quoi. Je me souviens, on était en showcase. Je crois on était à Metz. Ah ouais. Il nous attendait en bas en voiture et tout. On devait faire vite. Le mec est resté une demi-heure dans la salle de bain. Une demi-heure. Je suis pire qu'une meuf. Non mais c'est important les cheveux. Bah je vois ça. En tout cas alors, donc entre 10 et 30 minutes on va dire. 30 minutes voire plus. Pour répondre à Amélie, c'est Tran de Levallois qui demande l'équipe de foot préférée. Alors je crois savoir hier, c'est quand? C'est hier que t'as moi c'est Belize. T'avais PSG. C'est quand? PSG, ouais, c'est Paris, ouais, PSG. C'est hier. Paris. Toi aussi, ah, donc oui. Paris est magique. Ah ouais, Paris est magique. Momo est de retour, il va être content. Et enfin Jim de Biarritz qui demande Marine Monster dans 5 ans, vous voyez ça comment? À la retraite. Ça, c'est bien, avec des millions d'albums vendus. Très bien, c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Il n'y a rien qui se frotte les mains. Mais j'ai dit ça pour lui. J'ai dit ça pour lui, je savais. Des millions d'albums, il s'est endormi là, boum. Il s'est gratté le bras droit. Ah oui, il se démange partout en fait. Quand il entend millions, c'est marrant, Ariane. Il y a un truc qui. J'ai un tic. Bon, qu'est-ce qu'on écoute, messieurs, dans un instant? J'allume. Yes. J'allume la mèche. Non, moi j'ai envie de balancer mon solo. Ton solo direct? Ouais. Direct tout de suite? Non, j'en ai marre. Il a raison, il veut balancer. Oui, je remettrai à l'humain ça alors. On écoute le fameux solo de Yanslo, YNSLO. Eh, où que tu sois, quoi que tu fasses, arrête-toi. Monte le son seulement. Tu vas te manger une. Ah bah on peut même le mettre maintenant si vous voulez. C'est ce qu'il a demandé. C'est encore mieux. Il a dit maintenant, vas-y maintenant. Allez, Yanslo. Jingle. Ça sort lundi dans les bacs. 3 novembre dans les bacs. YNSLO. Je me présente la famille, moi c'est Yanslo. Je peux rien faire pour toi si t'as pas de flow. J'adore des ghettos chic où ça pique quand ça kick. Comme le chili con carne d'Ol del Paso. J'avoue être fidèle, pas comme Castro. Les MC sont trop faibles dans son macastro. J'avais pris du terrible, pompé la chérie. Des histoires, quoi de foutre une gastro. Y'a de la technique, du flow et de la vibe. Sans oublier les textes à méditer. Dans la musique, c'est pas ma wife. J'espère savoir où me diriger. Ed Smuggy m'a dit mets les voiles. j'étais sous Tiberne. Melvin et qui est pot 20. Mon gars Karim de la boutique. Y'a la toute pute. J'ai commencé à débiter. On m'a jeté l'œil, tu peux m'appeler Survivor. J'fais mes bails dans l'obscurité. Johnny on F, ma petite violence. Boy, si tu veux la vérité, j'm'en tire les choses de ta life. J'atteins une telle dangerosité. J'concocte des trucs de malade. Que j'rappe ou que j'entraîne, de toute façon tout est carré. J'suis paré, on me répète souvent que dans ma tête j'suis pas solo. Vous êtes des rigolos. Ah ouais, j'bosse toujours comme des nights, vous faites que vous marrez. C'est contre moi même que j'me fight, c'est tu que j'ai démarré sous l'eau. Casquette blanche explolo. Fin et d'âge. J'ai plus trop envie de plaisanter, j'vois ta. Toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas. Comme tu t'es senti berné. J'ai plus trop envie de plaisanter, j'vois ta. Toujours un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté. On l'a fait, ma petite gueule, on l'a fait. Les choses se passent, je trace mon chemin one two step. Quand je kick, j'mets des teutes à Rome, rouge pet. J'évite les délits, la routine on embellit. Moi mon délai, j'déchire les bits comme un pute face à un boot steak. Zéro pression comme Tony Dia face à 12 têtes. J'avais la technique et j'ai vite compris que vous étiez tous bêtes. Tous bêtes, ou peut-être bien. Tu comprendras et tu sauras, nigga, who's bad. Yeah, nigga, who's bad. My man, nigga, who's bad. Yalla, yalla. Yalla, t'es vite. J'ai trop envie de plaisanter, j'vois ta. Toujours un peu de mal à me cerner. Qu'on m'a présenté, capable. Où es-tu, t'es senti berné. J'ai trop envie de plaisanter, j'bataille. Toujours un peu de mal à me cerner. La première Farid fois qu'on m'a présenté, capable. Robinho, niggas. Le 3 novembre dans les bars. Brice Richard. Le 3 novembre dans les bars. Albert. Toulouse Football Club. À l'instant, donc, le solo de Yann Slow avec nous. Gros, gros morceau ou pas? Un morceau, on rappelle qu'il y a un solo de Belgique qu'on a écouté hier sur l'album. Yes. Il y a un solo de Yann Slow sur l'album Marine Monster qui sort lundi dans les bacs. C'est ça, lundi et, dans les bacs. Et toutes vos réactions, lourdeur, tout comme l'album, on nous dit, il est énervé, le son Psartek. 41759 pour agir avec le hashtag aussi, c'est Marine Monster sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes, on passera quel morceau? On avait dit J'allume, non? J'allume la mèche. Le gros tube. Et surtout, il faut rappeler le concours. Le concours, bah oui. Le rappelle concours, le concours le et que concours. Le clip est sorti, le clip Panamera est sorti aujourd'hui à 18h. Alors attention dans l'ordre, le clip à 18h, ça y est, c'est fait. Le clip à 18h, ça y est, c'est fait. Morceau Panamera, ça y est. Panamera, ça y est. C'est une chose faite. C'est fait. Le concours. Le concours se prolonge, il devait s'arrêter ce soir, on devait faire un tirage au sort. Ouais. Suite. À mon avis, il y a eu un problème avec lui. Un excès de. Il y a eu un problème avec lui, c'est un excès d'imprimé écran. Ah, si, un excès de. Voilà. D'excès de capture d'écran, tu vois. C'est le screenshot. On a décidé de repousser tout simplement le concours. Jusqu'à lundi. En fait, si tu veux, c'est le temps de. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des captures des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de bien vérifier. Ah. C'était un peu triche. Ah, il y a eu de la triche. Voilà. D'où l'huissier qui est en train de tout contrôler, qui est en train de bosser. On le salue. On le salue, maître escroc. Il y a eu beaucoup de tricheurs. Mais technique, hein. Il n'y a pas de problème, on le salue. Il doit avoir beaucoup de boulot là. Beaucoup de travail. Bon, en tout cas, non, vous avez tout le week-end, ça c'est pas des conneries. Lundi 18h. Lundi 18h sur les réseaux sociaux. Pour précommander l'album, allez-y, vous faites la capture d'écran, vous l'envoyez avec le hashtag Marine Monster en Panamera. On revient dans quelques minutes. Il y aura le freestyle par téléphone. Freestyle. Il y aura du live avec vous. Exactement. Et bah bougez pas, c'est la suite du Planet Rap Marine Monster. Comme toi, Marine Monster a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Marine Monster avec nous toute la semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. Aria, tu veux faire l'émission tout seul? Tu payes la soirée? Merde. Il y a quoi de prévu? Il est en train de me donner, en fait, il me faisait une prévision pour la semaine prochaine. Alors on approche, l'heure approche, tu vas annoncer où va être tourné le clip. J'allume. Est-ce que c'est maintenant? Puisqu'on va mettre le morceau. Donc, est-ce que tu veux mettre le morceau? Island. Ouh, vous allez cailler les mecs. Ouh, l'Islande. Oh merde. On va profiter des. Vous connaissiez l'Islande? Je connaissais pas, non. Non, bah moi non plus. À part le gros nuage de sang. Le but, justement, c'est ça. Il y a pas beaucoup de monde quand on est là-bas et on voulait ramener tous ces petits. Ouais, donc on va en Islande, quoi. C'est ça. Et c'est quand le départ? C'est quand le départ? D'ici une semaine. Ouh là là. Faites les valises, les mecs. Direction l'Islande. Je suis pas équipé pour ce genre de bordel. Faut savoir qu'il y a pas d'hôtel, c'est des chalets. Oh merde. C'est ambiance chalet. Feu de bois. Ambiance chalet. Idéal pour l'inspirer. Pour du travail, tu vois. Pour travailler, pour faire un gros clip. Donc le gros clip de Jérémy. Pour dormir surtout. Le morceau que l'on va écouter. Essayer de faire voyager les gens avec les images et tout. Le morceau que l'on écoute maintenant. Donc on attend le clip avec impatience qui sera tourné là dans les jours qui viennent. C'est ça. Donc prochainement disponible. Voici déjà le morceau. On a déjà le son. Et puis il sera sur l'album ce morceau de Marine Monster qui sort lundi. Ouh, j'allume la mèche sur Skyrock. Radio. Radio. J'allume la mèche, hein. Un peu différent des autres depuis tout petit, je suis solo. On prenait pour un fou tout ce que je disais des frères. Un sentiment de haine et d'incompréhension m'a fait sortir. Je suis ma petite gueule, pour moi j'y arriverai. J'encaisse les torts et passe à moi son clos. Sorry, bar, Ramon. Est-il que je suis trop énervé? Un mec propose du tap, s'avance vers moi puis m'aborde. Comme s'il m'avait observé. What's it qui? Proposé d'allumer des mères. À la base, ça ne m'en valait pas des masses. Repensant une seconde à ses élèves. Me traîne, puis me cabaret. Décidé de me lancer, ça va partir. On m'a dit allume la mèche, éloigne-toi, ça va péter. Coupe de champagne et du plomb encadré. Suivi d'un tonnerre d'applaudissements, tout ça parce que j'allume la mèche. J'allume la mèche. J'allume la mèche. J'allume la mèche. Je suis au bord de la falaise. Au bord. De la falaise, au bord de la falaise, de la falaise, au bord. Ça fait un moment que je suis dedans, moi je trouve pas ça embêtant. Des mecs qui me donnent le sourire et savent que je prends pour un passe-temps. C'est vrai que je fais des horreurs, rien à foutre quand je vais à l'heure. Je fais des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe, égoïste, je le suis. Un mec sans cœur, pas déçu, voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui je rentre plus tôt que prévu. Un appel téléphonique m'a surpris, j'ai de suite compris l'imprévu. Christopher, Mehdi Beka, le sonar guillé à Clichy. Ça parle de décapitage, je perds son froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes, des corps amputés, même des morts. Et ça fait des jouets de monde, des flammes forment le décor. La rue Milton, la famille de Lily, la famille Kémissi, la famille Kesby Sassi. Parce que j'allume la mèche. J'allume la mèche. Lundi 3 novembre dans les bacs. Enfin. Allez le chercher, c'est pas des lol. Allez le chercher, sérieusement. Je vois bien, j'avais les images de l'Islande déjà en tête. Moi aussi. J'ouvre au bord de la falaise. J'ai eu un flash d'un coup. Moi aussi. Eu un flash avec du feu et tout, une catastrophe. Un volcan derrière. Je me voyais devant un jacuzzi naturel. Aussi, c'est pas mal. J'allume la mèche, le clip aussi, arrivera et on l'a appris. Il y a quelques minutes, il sera tourné en Islande. Qui va réaliser le clip, on sait déjà ou pas? On ne sait pas. Aria, gros brava. On ne sait pas encore qui va réaliser. Qui réalise le fameux clip? Ah! De clip. Ah. En fait, on est en. Il s'appelle Franck Gomez. Franck Gomez. À la base, c'est un grand photographe parisien. et qui est dans l'image. On voulait prendre vraiment quelqu'un qui est dans l'image, et dans qui la apporte beauté, une, dans une le couleur. Grain, allez, c'est ça, exactement. Au son de J'allume la mèche. J'ai hâte. Bah moi aussi. Hâte de le découvrir d'ici quelques jours. Le clip de J'allume la mèche. Marine Monster avec nous. On accueille tout de suite Carter de Villeurbanne. Salut Carter. Salut, bien ou quoi? Ça va et toi Carter? Ça va, tranquille. Hein. Salut, salut. En pleine forme, je te présente les monstres salut, marins. Monster. Marine Monster avec nous. Yeah, big up à toi, en fait. Tu es prêt à rapper en 30 et tout défoncer? Bah, je suis prêt. Hein. Allez, on y va, session freestyle par téléphone. Vas-y, ça marche. Ok. Carter. Ouais. C'est N Drake, pas LR. Ouais. Ok. Reviens là, tu veux ma peau, y'a pas d'astuce. La ring, tu es moi, c'est comme in face à Canal Plus. On n'échange rien, je te conseille pas de vivre ma vie. Dans mon passé, tu retrouveras ta future fille. Ta nuit, bande d'enfoirés, ça grave la nuit pendant que t'es enfoiré, enfermé. Dans un studio, y'a peu de notes carrées, mec navré. Dans franchement pas mal fini, c'est carré, c'est pas vrai. Y'a que des clowns, on fait que te marrer. Afrique du Nord dans le sang, droite au but, on vise le temps. Ça met la barre dans les pentes, mon rêve, est de la taille des jambes. Des barberies autour d'un peu sain, verser c'est mon dessin. Une dame beaucoup trop grosse pour mes putains d'un, tout ça. Pousse par fond tous les jours, rare à face de gifle dans les joues. T'es des plans gelés, des joues, le casque on remplit de vos bijoux. Là les gars qui pètent un fusible, c'est l'arceau comme un fusil. À 50% mes capacités, appelle-moi Lucie. Des tubes, une routine, votre russe comme boutique. Ma grenade, des groupies, un liberté. Groupie, je m'assure personne. Pendant que t'as mis la bouche un peu partout, si tu passes, tu perds. Si tu passes sur par face ou par touche. Ma team, ta papa, moi c'est ma mère qui m'a éduqué. Besoin de coups de pouce, mais son chitane qui m'a pris du pied. Il galère à enchaîner des pipes, on monte à tirer des pipes. Mon papa est tourné au début, mais bon, venir me gratter des pipes. Bah les couilles de tout le monde, je suis porté pour mon équipe. J'apprends à faire des petits salons pour attirer qu'on équipe. Les prochaines chaînes à cœur, ça va faire arrêter pas de chien. Dans peu de temps, pour mes meilleurs amis, tu peux demander à part ce chien. Ouais, en freestyle sur Skyrock, tu peux yes. La vision, tu m'écoutes. Du rock. Carter à l'instant, freestyle, merci à ta. Bien. On peut te retrouver sur le net, Carter. Ouais, tu peux me retrouver. Alors, ma page Facebook, c'est Carter Officiel. Ouais, vas-y. Vas-y. Ma page Facebook, Carter Officiel. Mon Twitter, le Carter 19. Et voilà. Et bah, on te remercie d'avoir freestylé sur le net. Dédicace ou pas? Ouais, on t'écoute. Alors, dédicace à WR, Diggy, Nouzi, Imad, Molus, Died, Locos, Bastos. Réplu et Villeurbanne et tous ceux qui nous soutiennent, on est ensemble. Merci à toi Carter à l'instant, freestyle voilà, dans Planète Rap. Entre 20h et 21h, qu'est-ce qu'il y a Ria? On va balancer une exclue. Une exclue encore. Dernière exclue, après on passe au live. Hein. Voilà, on va balancer Nos Stress. Nos Stress. Voilà, Nos Stress. Dernière exclue. Avant. Couleur musicale, on veut balancer notre couleur musicale. Avant la sortie lundi du projet Marine Monster. Ouais. Allez, c'est parti, Nos Stress, et puis après, grosse session live dans l'émission. Nos Stress, on fait les choses au calme, nègre. Voilà au Havre, Bibac, c'était du Nord. Poisson, aïe, Aliem. Lundi dans les Mac, Mary Monster. Toujours du flow dans le barillet. Le 3 novembre dans les bacs. Mise sur nous si tu veux parier. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'ambiance devient chelou, c'est mis pour toi d'ouvrir. Price M, nègre. Si tu me rends un peu fou, je me barre aussi vite qu'Usain Bolt. Vas-y, vas-y, vas-y, bouge ton balai. Ce soir, c'est moi qui paye, aux prises de tête, pète ta clope. Money, money, money, money, money. Entouré que de loups, déterminés comme Walter White. Je ne dors jamais, je suis une machine. Une machine. Veggie KKA, jamais sans ses chaînes. Sans ses chaînes. 243, code s'apologie. Apologie. Je te fais défait du haut de mes 22 bougies. Et ça fait clap clap, smandou, toc toc. C'est qui? Francinard à la rescousse, bang bang. C'est nous. Sati, c'est dans Abou, Chebron, Sami Kerebou qui pense qu'il danse dans les temps. Je n'ai jamais fait de messe basse. J'ai toujours su quand il fallait se taire. Si tu fais le fou, entre en place. Le plus gros lascar est éphémère. Si tu perds le nord, c'est que t'es à l'ouest. Je vais pas du sud, mais y'a des armes de l'air. Marine Monster Corporation de Best. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'ambiance devient chelou, c'est mieux pour toi d'ouvrir la porte. Bye, bye, bye, bye, bye. Si tu me rends neuvième zone, je me barre aussi vite qu'Usain Bolt. Vas-y, vas-y, vas-y, bouge ton balai. Ce soir, c'est moi qui paye, aux prises de tête, pète ta clope. On s'est mort. Entouré que de loups, déterminé comme Walter White. Poto, je me présente, lui moi c'est Yanza. J'y vais sans doute façon, pas besoin de crier. Tu peux ranger tes gros bravas. Ça fait un moment que les types se mettent à tirer. J'ai encore pris du level, tu resteras mon élève. Stop, stop, stop, fuck, j'aime de me lever. Rien à foutre, qui veut t'oublier. On vous a monté en l'air, c'était terrible. Marine Monster, si on déconne, on atterrit pas. Tout a commencé au centre des Berries. Imbécile, qui t'a dit que faire du son c'était c'est bien sûr. J't'inviterai pas à l'enfer. Chérie, qu'est-ce que tu fais en voiture là? T'empêchera pas d'avancer. Au bif, y'en a jamais assez. J'fais tout pour un amassé. Goodbye, namasté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'ambiance devient chelou. C'est mieux pour toi d'ouvrir. Tu nous avais négligé, hein. Si tu me rends un peu fou, je pars aussi vite qu'Usain Bolt. Vas-y, vas-y, vas-y, bouge en bas. Ce soir, c'est moi qui paye. Pas prise de tête, pète ta clope. Money, money, ouais, petit peu, hats, my girl, c'était du nord. Déterminé comme Walter White. Marine Monster, le 3 novembre dans les bacs, lundi. Wesh Johnny, Palem ou quoi? Aïe. 9ème zone dans Sina. J'veux ma Rolex, no stress. J'écoute mon son en grosse caisse. Elle me hache. Ils pas, j'innove, man. Jamais en état d'ivresse. Respect, respect me. Respect, respect me. Respect, respect. Stop, repeat after le 3 novembre me. Dans les bacs. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'ambiance devient chelou. No yeah. Ouais, faites du bruit, ouais, ouais, ouais. Sherifa, t'as kiffé le titre ou pas, Sherifa? No stress. Ça, c'était un pur son pour les purs fêtards, tu vois. Exclu. Vendredi soir, samedi soir, tu vas poser ce que t'as à poser. C'est le week-end. C'est le week-end, la fin des vacances pour certains aussi. Ah ouais. Avec le son de Marine Monster, ça sort lundi dans les bacs. Lundi 3 novembre dans les bacs, je vous ai dit, cet album. Il y a du potentiel dedans. N'oubliez pas la séance dédicace le 5. Ouais, le mercredi. 5 novembre mercredi à la boutique Vortex 9 rue Sicton. Voilà. Voilà, on va faire place plein de cadeaux, on va lâcher plein de cadeaux. On va faire place au kicker né. Au kicker. Kicker né. Ouais, les kickers, vous êtes là ou alors, quoi? Alors vous êtes là les gars. Pour vous êtes là ou pas, y a pas de bruit. Mon gars Melvin et pot de vin. Allez, installez-vous pour les premiers lives. Je sais pas qui débute. Pot de vin. Qui débute maintenant? Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, premier sur la liste, Bryce M. Bryce M. On y va, c'est sur live dans Planet Rap, c'est parti, Bryce M maintenant. Eh, voilà, c'est comment? Ok, c'est comment? Marine Monster, 3 novembre dans les bacs. Yeah. Yeah. Ce mec qui sort de nulle part. Nulle part. Nulle part. Ce mec qui sort de nulle part. Nulle part. Ouais, Marine Monster, 3 novembre dans les bacs. De nulle part, nulle part. BG, Kianso, Yannick. Nulle part. Ferris. Yeah. Voilà. Ça fait. Je suis ce mec qui sort de nulle part. Nulle part. Personne n'a entendu parler de moi. Je suis la grosse surprise pour les maisons de disques. Un peu comme le 13ème mois. Je suis le gosse le plus cliché de ma ville. Puis les wake up un, ils défilent. 014, tu te fais des films. Je suis pas ton pas de vache, pas soupir. T'as pas fini de soupirer sur mes sons. Je n'ai pas les sous qui rêvent. Si j'ai pas de fans, je vendrai de la cesse au PDG. De la flag pour les sous qui rêvent. C'est uniquement le créateur de son empire. J'écoute tes sons, c'est de la daube et ça empire. C'est à vomir, c'est à vomir. On dirait que vous forcez le game au max pour pas bire. Tu peux venir d'où tu veux. Ça sera jamais pire que l'enfer. Les deux aisants dans le département. Bang, bang. Je me mets fiers quand tu prennes des enfermes. Je veux faire les choses que personne n'a fait. Je rentre de Saturne en navette. Si je t'ai blessé, j'en suis navré. Un mec m'a ramené faire chavirer les navires. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Il a même pas la dégaine d'un gros rappeur. Et ferme ta gueule, ferme ta gueule. La vérité c'est que je plais à ta soeur. Bang bang. Oh oui, oh oui. La vérité, elle me trouve trop mignon. Je veux l'assassin, ma Mylène Farmer. Je veux réinvestir avec Mourinho. Changement d'ambiance, changement d'ambiance. Ok. 3 novembre dans les bains. 3 novembre dans les bains. Tu vois rien, fils. J'ai fait les fils. Tu viens fort comme la mode de fil. T'es de pile. T'es de pile. Je vois juste qu'elle baisse plus que t'en as pile. Oui, c'est triste. J'fais pas de hors piste. Tu me piches, pisse sur toi comme sur les orties. Oh oui, t'es tout claqué. T'as tout plaqué. Juste pour des gros capés vite. Je trouve pompé. Ça sort le peupon. Il te reste plus qu'à prendre la fuite. Si je repars, j'en vais comme un cavalier. Ne me juge pas mon apparence comme un livre. Parce que trop tôt, j'pourrais revenir fou dingue. J'ai pas le collier. Vas-y, bouffe tes broliques. Remballe tes broliques. Je suis euphorique. Ton son est pourri. On est barré. De toute façon, c'est pareil. Je sors de nulle part, je retourne au Paris. Un mois de poke, dans mon époque, ça envoie des pokés, ça joue au poker, ça se barre à Phuket, ça pète à des buckets, pendant que les darons s'approchent de la civière. Ah, ICM, le but c'est de mettre des totards. Tu tapes fort. Tu veux grandir, c'est trop tard. Faut taper fort. Le but c'est de mettre des totards. Tu tapes fort. Tu veux gratter, c'est trop tard. Faut taper fort. Le but c'est de mettre des totards. Faut taper fort. Tu veux gratter, c'est trop tard. Ouais. Tu veux gratter, c'est trop tard. Il a la dernière chose, mon ami. Marine Monster, 3 novembre dans les bacs. Voilà, c'est comment. Eh, ça fait. C'est qui celui-là? C'est pas parce que je suis rebeu que tu dois mettre dans le tas. Chérie, je suis à la SACM comme Monsieur Kanta. Non, je ne déconne pas, je suis un infréquentable. Tu veux un feat, tout qui tu connais le contact. J'ai vu ces mecs dans Paris Centre avec des couettes vertes. Tous les rappeurs sont des clones, volent le flow à l'île d'air. Pour toi c'était un love, pour moi c'est un petit flirt. Si j'ai pas de fan, moi-même je m'envoie des petites fleurs. Le P, R, Y, C, E, M. Excitant comme un match, P, S, G, O, M. Rien à foutre d'où tu viens, de tes kits, tes problèmes. C'est pas la meuf avec, moi je ne récite pas de poèmes. Millions, je veux le bif du produit. T'as torturé les minimums. La première vue tu m'avais sous-estimé. Maintenant tu te demandes si sur moi t'en veux estimer. Ouais, ouais, ouais. Du bruit de ta soeur. Voilà c'est comment. Chacal du Nile. Chacal, ouais. Chacal okay. Du Nile. 3 novembre dans les bacs. 3 novembre dans les bacs. 3 novembre dans les bacs. Ça fait 3 novembre dans les bacs. Ça fait 3 novembre dans les bacs. 3 novembre dans les bacs, ça fait 3 novembre dans les bacs, 3 novembre dans les bacs, ça fait Human. Entre agressif, passif, dans le rap on va tout baiser. Sauf comme la braise et le barrière, on va les briser. 75 ça fait un bail, qu'il fallait qu'on graille. On veut la recette, les chenèques, les chèques en bataille, ma caille. Nous si on est là, c'est juste pour les big thunes. La rue nous fait mal, mal, on a l'habitude. Force de rester dans la rue, on apprend la ruse. Et pour s'en sortir, c'est risqué comme la roulette russe. 5ème zone, Paris Centre, ça fait mal l'effet, pas le malin. Ici la rue t'es fait des câlins, puis elle te canard. On veut péter le million, entre des risques mais bon reste mignon. Ici c'est la jungle, tout le monde se graille, mais y'a pas droit lui. C'est quoi les bails, demande à Badji Kellyans. Nous c'est que des rafales de balles vocales dans le trou de balle. Arrive dans doute, pas y'a du talent de chacal. Si tu baves, c'est 75 milliards de coups de batte. À la baisse, c'est à la base que la rue nous baisse. Si des gaines instruction comme la braise, comme une info qui pèse. Nos couilles, on les pose, on les pèse. Un peu de taga sur un gramme pèse, et tout se paye en piche de hems. Les types ne jouent plus à la passe à 10. Fumer big rap du cannabis, comme les microbes de cannabis. C'est plus avec les meufs, bien avec le jab contre M5. Tellement traite que dans tes poids, dis-toi qu'il y en a au moins 5. Et quand on rappe, c'est comme quand on baisse, on fait du moins 5. Mon destin dessiné au fusil. Arrête, c'est malsain, les flots venus de Mars. Le malheur dans une masse. Dans le rap, on fait tout, nous, comme Messi à Barça. Les frères se cannent et se cannent pour des lobes. Ça, dans le monde du bis, par tes coronets, c'est comme ça. C'est banal. 9ème zone, capitale de Panama. On est excité comme un dollar le samedi. Ici, sur canal. Ici, y'a des frères qui rappent, mais c'est pas des rappeurs. Les mecs, ils grèvent comme ils peuvent. Ça gratte autant qu'un homme qui pleure. J'en ai marre gratter des textes. Sombre, parler du Jackson. Où les mecs sont dans des bains de sang pour des coups de klaxon. Y'a tout le monde qui court, revendique pas que t'as des couilles, sinon je vais croire que c'est nouille. Y'a personne qui est un bâtard, engraine pas les petits rushs si t'es sous la table, fais pas toc si tu passes à table du 7-5. J'aurai un freestyle qui pète dans le rap, j'ai la perdance, au rêve je touche de liberté. J'ai le stylo aiguisé, et tu sais pas qui c'est, un conseil raide. J'ai besoin d'écrire ou je vais criser. Ouais, 3 novembre dans les bacs. Pull up, le 3 novembre dans les bacs. Pull up, l'instru. Le 3 novembre dans les bacs. Ok. Je vais déverser une petite connerie là. Yeah. Néné du 9-1. Mon petit peu personnel, on est ensemble. Un saut. Ok. Un saut. Zoxy. Yeah. Wouh. Moi c'est Néné. Yeah. Le 3 novembre dans les bacs. Dans les bacs. Juste celle d'avant. Mary Monster. Yeah. Yeah. T'es qui gros, on se connaît, je perds la mémoire comme je perds du blé. J'ai pas près des darons, si j'ai un gosse, il m'appellera perturbé. Je mordais la vie à pleines dents, maintenant j'en ai une contre elle. J'fous la merde, et c'est pas dans les chiottes contre elle. À cette heure-ci, y'a trop de bouquines, on l'a plus d'un jeu dans les Guinness. C'est à vos finesses, je les baisse, je challenge à la même baisse. J'ai pas des genres à me laisser faire, manipulé par Lucifer. T'as jamais vu les MC cet hiver, c'est moi qui sera plus chaud cet hiver. J'vois que le monde sont tournés dans les hauts, comme les sages verts. Enfer, j'ai plus d'un, Higo, laisse-moi singer le verre. Vainqueur à la je me barre, résultat à la fin, il n'assume pas. Qui va m'étonner ici bas? Je n'ai marqué un vie comme l'autre à si bas. Tu m'as mon équipe, j'ai vraiment chaud. Je me fais pas comme un manchot. Je suis des, ils ont des sujets. La merde, c'est car j'ai vu au-dessus. Maintenant j'ai compris, mais car allons-tu? C'est là que t'as un petit peu de buzz que l'on tue. Pour les Japonais, c'est que je m'excuse. Il manque pas d'herbe, je l'aime dans le flexu. J'ai plus la défaite pour te parfumer. Et j'ai vu que chiffre le rêve par d'enfumer. Le temps c'est de l'argent, le rap fait perdre mon temps. Tout papa, moi j'ai dit cache tout mon temps. J'ai décalé la mi-temps, les mettant mal les imitants. Je suis un titan combattant, je vis dans les avatars. Je me marre, je reste de mal. J'ai tabac dans la farine. J'ai le FN, j'ai pas les bleus marines. Je vais tourner dans mes affaires. Si t'as du flair, c'est qu'il prend novembre. Les marines. Les marines. Yeah. Mon cœur, ma gueule, t'inquiète pas, mon cœur. 3 novembre dans les bacs. Un son Zox, Lisa, Skinzo, Hichem mon frère. Le 3 novembre dans les bacs. Ça fait le 3 novembre dans les bacs. Yeah, le 3 novembre dans les bacs. Ça fait, yeah, 3 novembre dans les bacs. Young Slow, le 3 novembre dans les bacs. Bédic, le 3 novembre dans les bacs. Tu sais quoi? Eh, ça fait. Bienvenue dans la zone où quand ça kick sale. Bonjour, les dégâts sont colossales. Audit Tarto des Vosges. YKNSL, l'eau, soldat, on joue. Tu crois faire partie du game, mais c'est avec toi qu'on joue. Les gars. Yeah. Yeah. Exactement, moi. Vous êtes chaud quoi, les mecs? Yeah, vous êtes chaud, 9ème régiment. Yeah. 1. Ok. 7, 5, yeah. 7, Black 7, 5, Black Blackos. Tu connais les bails. C'était ça de prendre ou pas? Moi c'est Black, je prépare pas mon comeback. Tape, joue pas l'imbécile, tu vas prendre des grosses claques. Je vais attendre des M6 sans jamais faire de constat. 9ème régiment. Constat, je suis trop carré pour constat. Avec mon flow, les pétards qui s'enrayent. J'ai pas du sang sur les mains, mais j'ai violé la rue sans règle. Si ça kick, sans thème, des wacks, j'en graille par centaines. Avec ta plaie qui te console, tricote, c'est que l'on s'aime. T'es qui des vaches bouillants, tu penses même qu'elles sont d'enfer. La cause du night. En ta vie, ne se trouve pas ici, même toi en enfer. Mais si sera mon visage caractère au double visage, il te montre une double face. Mais c'est pas bon si tu métissage. Un le matin, donc, on bat des piques. Franchement, un silo pique, je te montre qui sont les vrais kickers. Enfin, nous sommes ouïs sur des ghettos chics. Rapidez une gauche, je vais serrer autour d'un quick. Si t'es chaud, y'aura pas de soucis. Les keufs t'ont passé au four, pas belle, ça sent le roussi. Qui ne peut-tu pas t'endurcir? Demandez à mes négros. Commets des délais en rime, je suis recherché pour Excel Flow. Mais même genre, des idoles, car j'en ai cassé très haut. Repartirai en avion, mais je suis arrivé par bateau. Quand t'as les deux piles perso, personnellement, c'est le mec. Tout ce que tu comprends pas par les mots, tu comprendras par les coups. Assalamu alaikum. Neuvième zone, neuvième zone. Douda, 1, 1, 1. Ok, ça vient de cheville, cousin, ça vient de 22, ça vient de la street. En train de hash, tu peux nous voir assises, partager un grec frit. Après le mic, photo, blanco, passe moi le pilon que je l'ai frit. Si on des crafts, sous gel ma gueule, même quand y'a les chemises. Ah, ça fait de nous des délinquants, des sangs. Qui on passe notre temps à zoner dans les rues, ouais, comme des rôles. Viens, comment changer ton train, vis dans un pays, t'acceptes pas tout ça parce que t'as la même religion que Mohamed Merah. Je rappe pour mes sœurs discriminées car elles portent le voile. Quand je te lis cette phrase, me réponds pas que la bille ne fait pas le moine. J'oublie pas les régiment. J'ai pris des piges pour une barrette. Ni bismillah avant de taper une gorge dans ta canette. A force de ne voir que des tours, ouais, comme horizon. Mes frères veulent changer de vue, au risque de finir en prison. Comment savoir de quoi sera fait mon lendemain? En attendant, je pose sur l'instru avec un joint dans la main. Chez nous, y'a pas de matin, poteau, on se lève à 15h10 bar. Gros dans les yeux, step dans le cul, je peux top parler, bon les arts. La bille crave la garde, à voix, c'est tout ce que je sais faire. Je compense ça avec la salade pour pas goûter à l'enfer. Yeah, Jerko Mike, mon gars, 9ème régiment. Ça fait. Ça fait, yeah, okay. Ça fait. Ismo, yeah. Chargé de la tête au caleçon, condamné depuis le berceau. Y'a seul père quand y'a pas de sous. T'étonnes pas si je suis perso. Personnellement, je suis précis. J'attaque au point faible, imbécile. Appelle l'officier sans seul, c'est du routine. Toutes les groupes, Ismo. Du genre à mentir. Tu veux la clé du coffre, force te direct. M'appelle Tommy. Derrière une pipe, c'est parti. Manque de poche, je suis de la partie. Face à nous qui s'y protègent, fixé. C'est mettre sa pêche dans les sorties. Ton père ça fait des envies, moi j'écoute pas les ondes, je te découvre. Avec le flow est précieux, appelle-moi le flotteur des cieux. Tellement rare que je te dirais que de ne toucher qu'avec les yeux. Depuis j'en passe, ce qui fait changer c'est les sous. 9ème jeu, la vie en rose, on dit je t'aime seulement pour ton beau. T'avais dit, sûrement dans le hood, posé putain de rotaga. Apparemment t'es gotisé, mais t'es pas l'air sur toi. Pas sûr de toi, reste plus dans ta taille. Toi tu fais l'héros ici, on t'appelle le mythomane. Notre exemple c'est pas le côté l'Allemagne. On bat les couilles d'où tu viens, tu cours pas plus vite qu'une balle. Pour te pousser de tes gars les gars, enfin moi qui compte pour les gars. L'argent ne fait pas le bonheur, SDF ne tape des bars. C'est pénible, t'encaisses depuis le départ. Hey, je suis déjà parti avant le départ. On t'avait dit 9ème zone, 9ème régiment, 9ème zone, 9ème zone, 9ème régiment. Merci. 9ème régiment, yeah. Merci pour ce live à l'instant dans Planète Rap entre 20 et 21. Merci à vous tous pour cette session freestyle dans l'émission. Merci à toi Fred. Avant de se quitter, évidemment, avant de rappeler deux trois choses autour de l'album qui sort lundi dans les bacs, je crois qu'il est grand temps de faire tourner la roulette. Maintenant c'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. C'est Anthony de Chambéry qui vient faire tourner la roulette. Salut Anthony. Salut Fred, ça va? Ça va bien Anthony, en pleine forme? Ah, en pleine forme, je suis chaud là. Eh ben tu es chaud à faire tourner, on y va, on fait tourner la roulette. Ah vas-y. Et dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Non. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Anthony, j'ai entendu que tu n'étais pas tout seul à la maison. Des places pour aller voir Black M en concert. Il y en a deux Black M en tournée. On l'a eu hier soir, Black M. Il était en tournée. Il nous a appelé justement. Il était du exactement, côté de Rennes. Avec toute l'équipe. Et c'est une grosse tournée à pas louper. Toi, t'as tes deux places. Ça y est, c'est fait. Un gros concert. Kiffe bien. Merci. Merci Anthony. Tu peux passer une dédicace ? Ouais, vas-y. Bah, je fais une dédicace à Tony, Baptiste, Rollo, Guigui, Elena, Tristan, Alicia, tout le monde, tous ceux que, qui m'écoutent et voilà, tous ceux qui me reconnaîtront. Merci à toi, passe une bonne soirée. Messieurs. Ah, Fred, comment on se quitte ? Je crois qu'on va rappeler beaucoup de choses. Je tenais à vous remercier pour cette semaine, pour l'album qui sort lundi dans les bacs. Merci à vous de nous avoir accueillis. Alors rappelons différentes choses autour de l'album, autour de la sortie de l'album Marine Monster lundi. Le jeu concours qui se prolonge. Le jeu concours qui se prolonge jusqu'à la fin du week-end. Lundi 18h. Séance dédicace mercredi à 15h à la boutique Vortex. Mais le concours, il faut quand même dire un mot parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent qui disent quoi, un concours. Vas-y Fred. Un concours, que va-t-il se passer? Tu peux me baisser le son de ce cas, ça t'en est pas rien, ou le mettre et mettre le tien sur les oreilles? Je sais que tu connais le jeu concours par cœur, Fred. Et le jeu concours, c'est simple. Vous allez précommander ou commander l'album lundi jusqu'à 18h. Ouais. Vous faites une capture écran. Voilà. Vous l'envoyez avec le hashtag Marine Monster en Panama. Sauf tirage au sort. Avec l'huissier de justice d'Aria. Alors le prince Téménique 2 a joué, mais il n'avait pas le droit. C'est vrai, il n'a pas le droit. Le prince Téménique qu'on a reçu avec l'Algérino. Big up à lui. Il vient de m'envoyer tout de suite la photo, mais je lui ai répondu que. Et voilà, en gros. 1 million d'euros sur son compte. Voilà. Donc lui, il est éliminé par l'huissier d'entrée de jeu. Mais on salue le prince Téménique. Merci du soutien. Et en grosso modo, on vient chercher la personne chez lui à la sortie de son lycée. En Panamera. En Panamera, couleur Zanzibar. On la ramène à la boutique Vortex. Moi j'ai envie de découvrir, j'espère que vous allez envoyer la photo de la couleur Zanzibar. T'inquiète pas, c'est quelque on va chose l'envoyer qui m'intéresse. On va l'envoyer, on le ramène à la boutique Vortex, on le relook, on le redépose chez lui tout simplement. Et tout ça, ça sera filmé. Magnifique, donc on verra les images et la couleur Zanzibar. Voilà, vous exactement, il y aura les images. C'est ça. On n'a rien oublié, le clip qui a été lâché à 18h. Le clip Panamera qui est super lourd, qui a été lâché aujourd'hui à 18h sur notre page Vevo. Et voilà. Et restez connectés, bien sûr. Et allez acheter l'album, c'est lundi dans les bacs. Et saluer ceux qui sont passés en freestyle, on peut dire leur nom quand même. Hein, exactement. Il y avait Nema H de Guerre, big up à lui. Il y avait Priceum, il y avait Chacal du Nine. Il y avait 9e régiment ce soir avec nous. Et l'Inso aussi qui était là. Et l'Inso qui est toujours là, t'inquiète pas. Toujours là, prêt à soutenir, évidemment. C'est encore beau. Il était là avec nous, merci à vous tous. Merci, c'est déjà fini, je suis triste. Moi aussi, de savoir qu'on se retrouvera pas lundi, mais peut-être pour un prochain Planète Rap. Peut-être, qui sait. Pour un prochain album. Yes. Non mais Aria, le mec perd rien. Il perd rien du tout. Charognard jusqu'au bout, on t'a dit. Charognard. Déjà, il faut voir déjà si ça marche fort. Si ça marche fort, il y aura des rééditions, il y aura des nouveaux albums. Ça a marché, ils ont du talent, ils ont fait un bel album, ça peut que marcher. Donc allez soutenir Marine Monster dès lundi, merci à vous tous. On se retrouve. Merci. Il y aura une nocturne, tiens, avec un freestyler qui passe souvent en freestyle. Il sort un projet, il s'appelle Kéfir. Ça me fait plaisir de le recevoir du côté de Saint-Etienne. Il débarque, il est sur la route. On le salue, Kéfir. On t'attend tout à l'heure pour la nocturne 100% rap français. Lundi, nouveau Planète Rap, ce sera avec Indila. Et là, il est grand temps de retrouver Difool. Vous êtes là? Et ouais, Fred, on est là. Et attention, ambiance ce soir. Ah oui. Changement d'ambiance. Oula. Ça fait peur. Halloween. Qui démarre. Bon, Fred, on te retrouve tout à l'heure à minuit pour la nocturne de Planète Rap. Mais là, on vous retrouve tous et toutes dans un instant. En tout cas, les plus courageux, restez bien avec nous. Soirée Halloween qui démarre dans quelques secondes sur Skyrock. On arrive. Ne bougez pas.